بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. On a vu dans le cours précédent ce qui concernait les interdits pendant Siyam. On a vu qu'il fallait s'abstenir de qawl zour. Qawl zour qui englobe aussi bien les mensonges, les calomnies, les faux témoignages et autres. Donc il faut délaisser toutes ces choses-là lorsqu'on jeûne. Il faut les délaisser tout le temps, toute l'année, mais à plus forte raison lorsqu'on jeûne. Et on a vu que la vie le plus juste était que la médisance et les péchés n'invalidaient pas Siyam, mais diminuaient la récompense du Siyam, selon la vie le plus juste. Et l'imam Ahmad a dit, lorsqu'il a entendu que certains salafs disaient que la médisance invalidait Siyam, « لو كانت الغيبة تفطر لم يبقى لنا صوم » L'imam Ahmad a dit que si la médisance invalidait Siyam, il ne resterait pas grand-chose de notre Siyam. C'est-à-dire, il y a beaucoup de personnes qui tombent dans ces péchés-là, que ce soit la médisance ou autre, et que le siyam de beaucoup de personnes serait invalide. Donc il faut s'écarter de ces choses-là toute l'année, tout le temps, et encore plus encore lorsqu'on jeûne. Et Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi, a cité dans son commentaire de Bulugh al-Maram certaines fawaïd du siyam, certains bienfaits du siyam. On va rapporter certaines paroles de Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi. Qala, alors, la première faïda du siyam qu'il a cité, qala, معرفة الإنسان قدر نعمة الله عليه في تيسير الأكل والشرب والنكاح إذا كان متزوجا. Alors il a dit tout premièrement que la personne va mieux réaliser les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal lui accorde. La personne va mieux se rendre compte des bienfaits qu'Allah Azza wa Jal lui accorde, comme le fait de pouvoir manger, de pouvoir boire, de pouvoir jouir de sa femme ou de son mari si la personne est mariée. ثم قال الإنسان لا يعرف قدر النعمة إلا بضدها. Il a dit que c'est avec l'opposé des choses qu'on réalisait mieux les choses. C'est, on réalise mieux la valeur des choses avec leur opposé. Donc par exemple, c'est lorsqu'on tombe malade qu'on se rend mieux compte de la valeur de la siha, de la bonne santé. Lorsqu'on est malade, on se rend compte de la ni'ma, du bienfait d'être en bonne santé. Par exemple, lorsqu'on se casse une jambe, et qu'on ne peut plus marcher, eh bien on se rend compte qu'auparavant on pouvait marcher, que c'était une ni'ma. Donc Allah Azza wa Jal nous accorde plein de ni'ma, et peut-être on est firaf là, on ne s'en rend pas compte. D'accord ? On ne réalise pas ces bienfaits-là. Et lorsqu'on est privé de ces bienfaits-là, eh bien on se rend compte de la valeur de ces choses-là. Également, par exemple, lorsqu'on a mal aux dents, eh bien on se rend compte de la ni'ma de ne pas avoir mal aux dents, et ainsi de suite. La deuxième faïda qu'a cité Cheikh Ibn Uthaymeen, قال الإنسان يذكر أخاه الفقير الذي لا يقدر على الأكل والشرب فيرحمه ويتصدق عليه. Celui qui jeûne va penser aux fuqara. La personne qui jeûne va penser aux pauvres et aux démunis. Pourquoi? Parce qu'elle va ressentir ce que ce pauvre ressent. La personne va ressentir la faim et la soif, donc elle va penser aux fuqara et cela va pousser à les aider. La troisième faïda قال كسر النفس عن الأشر والبطر. La personne qui jeûne va cesser d'être arrogante. Celui qui jeûne se rend compte qu'il a besoin d'Allah Azza wa Jal et donc cela lui permet de redevenir modeste. Quatrième faïda قال أنه يضيق مجاري الشيطان وهي مجاري الدم والشيطان يجري من بني آدم مجاري الدم. Donc lorsqu'on jeûne, eh bien, sachez que les veines se resserrent. Et lorsque les veines se resserrent, cela bloque le passage de shaitan. Car shaitan circule dans la personne comme le sang circule dans les veines, comme l'a informé le prophète, alayhi salatu wasalam. Donc, lorsqu'on jeûne et que les veines se resserrent, cela bloque le passage de shaitan. Donc, il est recommandé à celui qui a un mess, qui a un djinn, que ce soit dû à un sihr ou autre, de jeûner. Il fait en même temps des rokia, il se soigne par tous les moyens légiférés et il jeûne. Cela va dayiq le shaitan, ça va lui bloquer le passage, inshallah. En faisant des efforts, en faisant ruqya et autres, cela va faire sortir le shaitan, inshallah. Autre faïda, qu'a cité Cheikh Ibn Uthaymeen, qala, annahu yudhib al-fadalat allati fil jism. Le fait de jeûner permet de purifier le corps des impuretés. Donc, le fait de jeûner débarrasse les déchets qui sont dans notre corps. Donc, c'est un bon moyen pour se purifier des déchets et des impuretés qui sont dans le corps. Également parmi les fawaïd, قال أنه يحمل المرء على التقوى والعبادة. Il a dit que le fait de jeûner pousse la personne à la taqwa, à la crainte d'Allah Azza wa Jal, et également la pousse à l'ibada. La personne qui jeûne, cela lui facilite l'ibadat, elle est poussée à faire des œuvres de ibadat, des œuvres d'adoration. Et ça, on le remarque pendant Ramadan, on voit que les gens ont beaucoup plus de facilité à faire des ibadat. Ils sont poussés à faire des ibadat, des actes d'adoration. Que ce soit le fait de lire le Coran, que ce soit de faire salat, par exemple salat tarawih ou autre. Donc le fait de jeûner incite, motive à faire des ibadat, des actes d'adoration et également à la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. Parmi les fawaid également, le fait de jeûner facilite à ceux qui ne sont pas encore mariés de patienter. Donc c'est un bon moyen pour les personnes qui ne sont pas encore mariées de patienter. Liqawl Nabi alayhi salatu wasalam, wa man lam yastati' fa'alayhi bis-sawm. Donc le prophète alayhi salatu wasalam a enjoint aux gens de se marier, aux jeunes de se marier, et il a dit pour ceux qui n'en ont pas la capacité de jeûner. Donc il a conseillé aux jeunes qui n'en ont pas, qui n'ont pas la capacité de se marier, de jeûner. Donc le siyam est un bon moyen pour calmer les ardeurs et les shahwa, les pulsions des jeunes. Donc voilà quelques fawaid qu'a cité Cheikh Ibn Uthaymeen. On continue avec ce qui concerne le fait d'embrasser et de caresser son épouse lorsqu'on jeûne. On lit le hadith numéro 14. « Wa'an Aishata radiallahu anha qalat, kana al-Nabi alayhi salatu wasalam yuqabbilu wa sa'im wa yubashiru wa sa'im walakinahu kana amlakukum li'irbih » muttafaqan alayhi. Aïcha radiallahu anha rapporte que le messager d'Allah alayhi salatu wasalam embrassait et caressait alors qu'il jeûnait, mais il était celui de vous qui maîtrisait le plus son désir. Ce hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim. Et Muslim a ajouté fi Ramadan, c'est-à-dire pendant le mois de Ramadan. La première question qu'on va voir est: que se passe-t-il si une personne embrasse et caresse sa femme et qu'il s'ensuit un écoulement de méni, c'est-à-dire de sperme, ou de mévi? Le mévi est le liquide séminal. Le mévi, le liquide séminal, est un liquide qui est transparent et un peu visqueux. Il est moins épais que le méni, il est moins épais que le sperme. Alors, que se passe-t-il dans ce cas-là? Ici, on a plusieurs avis. Le premier avis est l'avis d'El Koufiyoun et également de l'imam Shafi'i, qui ont dit que s'il y a un écoulement de méni, c'est-à-dire de sperme, dans ce cas-là, il faut rattraper ce jour-là. Mais s'il y a un écoulement de mévi, c'est-à-dire de liquide séminal, eh bien la personne n'a pas à rattraper ce jour-là. Le deuxième avis est l'avis de l'imam Malik et d'Ishaq également. Ils ont dit que s'il y a un écoulement de méni, de sperme, dans ce cas-là, il faut rattraper le jour et en plus, qu'il faut s'acquitter d'une expiation. Mais si c'est un écoulement de mévi, c'est-à-dire de liquide séminal, dans ce cas-là, il faut juste rattraper le jour manqué. Le troisième avis est que la personne n'a ni à rattraper ce jour-là et n'a pas à s'acquitter d'expiation. C'est l'avis d'Ibn Hazm et également l'avis qu'a choisi As-Sun'ani. Ils ont dit qu'ici, on n'était pas dans le cas de la personne qui a eu un rapport sexuel. Ils ont dit que c'est la personne qui a eu un rapport sexuel qui doit rattraper ce jour-là et s'acquitter d'une expiation. Or, ici, on n'est pas dans ce cas-là. Donc, la personne n'a ni à rattraper ce jour-là ni à s'acquitter d'une expiation. Et cet avis-là est l'avis qu'a choisi Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayhi, et également Cheikh Muqbal, rahmatullah alayhi. Cheikh Mohamed Ibn Hizam a dit que l'avis le plus juste était que si la personne provoquait volontairement l'écoulement du sperme lorsqu'elle embrassait ou caressait son épouse, dans ce cas-là, cela invalide le siyam. Mais si c'est involontaire, s'il y a un écoulement involontaire de méni ou de mévi, de sperme ou de liquide séminal, dans ce cas-là, eh bien, elle n'a pas à rattraper de siyam. Donc en résumé, si la personne provoque volontairement l'écoulement du sperme, dans ce cas-là, cela invalide son siyam. Et Cheikh Mohamed Ibn Hizam a dit que la personne n'a pas à s'acquitter d'expiation et qu'elle ne pourra jamais rattraper ce jour-là. La personne doit faire tawba, elle doit se repentir de cela. Et si c'est un écoulement involontaire, si le liquide est sorti involontairement, dans ce cas-là, la personne n'a rien du tout. Elle n'a ni jour à rattraper et elle n'a pas non plus à s'acquitter d'une expiation. Et Cheikh Mohamed Al-Hizam a rapporté une faïda de l'imam Shawkani. L'imam Shawkani a dit une parole très importante. Alors il a dit, en résumé, que si la personne faisait volontairement quelque chose qui allait provoquer l'écoulement du sperme, dans ce cas-là, cela invalide le siem. Mais si l'écoulement est involontaire, dans ce cas-là, cela n'invalide pas le siem. Donc voilà, c'est une très bonne faïda. Donc en résumé, si la personne provoque l'écoulement du sperme, cela invalide le siem. Mais si cet écoulement est involontaire, cela n'invalide pas le siem. Donc c'est une très bonne faïda qui va nous servir dans la question qui concerne la masturbation, entre autres. La question suivante est, est-il permis d'embrasser et de caresser sa femme s'il n'y a pas d'écoulement de liquide? Alors ici, on a plusieurs avis. Certains ont dit qu'il était réprouvé de caresser et d'embrasser sa femme lorsqu'on jeûne. C'est l'avis d'El-Mal et Kiyam. Et d'autres savants ont dit que cela était interdit. Ils ont dit qu'il était interdit d'embrasser et de caresser sa femme lorsqu'on jeûne, et ils se sont appuyés sur la parole d'Allah Azzawajal, فَلْأَنْ بَشِرُهُنَّ. Alors dans ce verset indique qu'après la rupture du siyam, eh bien, il est permis de toucher nos femmes. Le mot bashara, mot à mot, signifie le fait de toucher. Donc ils ont dit, après la rupture du siyam, il est permis de toucher nos femmes. Donc, ils en ont déduit que pendant la journée, on n'a pas le droit de toucher et d'embrasser nos femmes. Donc voilà, ça c'est leur raisonnement. On va voir par la suite le vrai sens du verset. Mais on cite juste comment ils ont raisonné. Le troisième avis est que cela est permis. C'est l'avis entre autres de Sa'd ibn Abi Waqqas, radiallahu anhu. Ibn Hazm est allé jusqu'à dire que cela est recommandé. Le quatrième avis est que cela est réprouvé pour les jeunes et permis pour les moins jeunes. Ils se sont basés sur un hadith rapporté par Abu Daoud, où un homme est venu voir le prophète, alayhi salatu wasalam, et l'a interrogé sur al-mubashara, c'est-à-dire sur le fait de toucher sa femme pendant qu'il jeûne. Et le prophète l'autorisa à faire cela, il lui a donné la permission. Et un autre homme est venu l'interroger, il lui a posé la même question, et il lui a interdit de faire cela. Donc ils ont dit que la personne à qui le prophète, alayhi salatu wasalam, a interdit de faire cela, était un jeune. Et la personne à qui il a autorisé était une personne qui était moins jeune. Donc ils ont dit que si la personne était jeune, cela était makruh, cela a été réprouvé. Et si la personne était moins jeune, cela est permis. Et le cinquième avis est, comme l'a dit Cheikh Mohamed Mulhizam, « In malaka nafsa jaza wa illa fala ». Cela est permis à celui qui se maîtrise. Mais si la personne n'arrive pas à se maîtriser, à se contrôler, eh bien dans ce cas-là, cela n'est pas permis. C'est l'avis de l'imam Shafi'i et de Thawri également. Cheikh Mohamed Mulhizam a dit que c'était l'avis le plus juste. En raison du hadith de Aïcha, radhiallahu anha, qu'on a lu, qui a rapporté que le messager d'Allah, alayhi salatu wasalam, embrassait et caressait, c'est-à-dire ses épouses, alors qu'il jeûnait. Mais il était celui de vous qui maîtrisait le plus son désir. Donc cela indique bien que le critère principal est le fait de se maîtriser. Le critère ici n'est pas d'être jeune ou moins jeune. Le critère est de se maîtriser. Et c'est pour cela que Cheikh Ibn Uthaymin, rahmatullah alayhi, a cité dans son commentaire de Bulugh al-Maram le hadith qui rapporte qu'on a accordé au prophète alayhi salatu wasalam la vigueur de 30 hommes. Donc le prophète avait la vigueur de 30 hommes. Et donc le critère principal est le fait de se maîtriser. C'est pour cela que le prophète alayhi salatu wasalam a dit « Je suis celui qui se maîtrise le plus ». Donc en résumé, cela est permis, il est permis d'embrasser et de caresser sa femme pour la personne qui arrive à se contrôler et à se maîtriser là. Ou sinon, en cas contraire, eh bien, cela n'est pas permis, car comme l'ont cité les savants, cela est une porte qui va le mener à commettre un péché. Si la personne n'arrive pas à se contrôler, cela va la mener à commettre un péché. Donc dans ce cas-là, cela n'est pas permis. Reste, quelle est la réponse à ceux qui ont dit que cela était interdit en se basant sur le verset « فَلْأَنْ بَشِرُهُنَّ » On rappelle qu'ils se sont basés sur ce verset-là pour dire qu'après la rupture du siyam, il était permis, yani al-mubashara, mot à mot, le fait de toucher nos femmes. Donc ils en ont déduit que pendant la journée, on n'avait pas le droit de toucher nos femmes, de caresser nos femmes. Eh bien la réponse est que ce verset-là, alors al-mubashara dans ce verset-là, dessine le fait d'avoir des rapports sexuels. Fal'an bashiruhunna, c'est-à-dire maintenant vous pouvez avoir des rapports sexuels avec vos épouses. Donc ici, al-mubashara désigne le fait de commercer avec nos épouses et non pas le simple fait de toucher les femmes. Donc voilà la réponse à leur argument. On va citer maintenant certaines questions relatives au hadith qu'on a lu. La première concerne la masturbation. Est-ce que la masturbation invalide le siyam? Alors ici, bien sûr, on va rappeler qu'il n'est pas permis de se masturber. Il ne faut pas comprendre de cette question qu'il est permis de se masturber. Mais on est juste en train de traiter cette question-là. Est-ce que la masturbation invalide le siyam ou pas? La majorité des savants, parmi eux l'imam Malik, L'imam Ahmed, l'imam Shafi'i et d'autres ont dit que cela invalidait le siyam. Ils ont dit que la masturbation invalidait le siyam. Ils se sont basés sur ce hadith Qudsi. يَضَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي. Où Allah Azzawajal dit que celui qui jeûne délaisse son ta'am, c'est-à-dire sa nourriture, sa boisson, et sa shahwa, c'est-à-dire sa passion, ses pulsions, pour moi. Ce hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim. Or, ils ont dit que celui qui se masturbe n'a pas délaissé sa shahwa, c'est-à-dire sa passion, ses pulsions. Donc cela invalide le siyam. C'est l'avis qu'a choisi Cheikh Ibn al-Uthaymin et également Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayhi majma'in. Ils ont également cité que ce cas-là est pareil, est analogue à celui qui a des rapports sexuels. Ils ont dit que dans les deux cas, eh bien, cela conduit à l'éjaculation. Lorsque la personne se masturbe et lorsque la personne a des rapports sexuels, la finalité est la même. C'est-à-dire, cela conduit à l'éjaculation, à la sortie du sperme. Donc, c'est la même finalité. Cela invalide le siyam. Le deuxième avis est l'avis d'Ibn Hazm qui a dit que la masturbation n'invalide pas le siyam. Il a cité qu'il n'y avait aucune preuve authentique qui indiquait que la masturbation invalidait le siyam. Et c'est l'avis qu'a choisi également Sanani et Sheikh Al-Albani, rahmatullah alayhim. Et Sheikh Mohamed Ibn Hazm a dit que Sheikh Muqbal penchait vers cet avis-là. Il n'a pas énoncé cet avis-là clairement, mais il penche vers cet avis-là. Il a dit que c'était ce qui ressortait de ses propos dans Ijabat Sa'il. Ijabat Sa'il est un livre de Cheikh Muqbal où il a répondu à certaines questions. Cheikh Mohamed Mouhizem a dit que l'avis le plus juste était le premier avis, qui est que la masturbation invalide le siyam. Et c'est l'avis de la majorité des savants. Et la preuve en est le hadith qu'on a lu, « Yada ta'ama wa sharaba wa shahwata min ajli ». Celui qui se masturbe n'a pas délaissé sa passion et ses pulsions pour Allah Azzawajal. Et ici, on va rappeler la très bonne faïda qu'a donnée l'imam Shawkani. On rappelle ses propos. Alors, il a dit en résumé que si celui qui jeûne fait volontairement ce qui va provoquer la sortie du sperme, dans ce cas-là, son siyam est invalide. Mais si la sortie du liquide, que ce soit le sperme ou le liquide séminal, est involontaire, dans ce cas-là, cela n'invalide pas le siyam. Or, ici, celui qui se masturbe a provoqué la sortie du sperme. C'est lui qui a provoqué volontairement la sortie du sperme. Donc cela invalide le siyam. Donc c'est une très bonne faïda de l'imam Shawkani, très utile comme pour ce genre de questions-là. La dernière question concerne ihtilam sa'im, le siyam de celui qui se retrouve en état de grande impureté pendant qu'il dort. Si une personne dort pendant qu'elle jeûne, et qu'elle fait par exemple un rêve érotique et qu'elle trouve un écoulement de sperme à son réveil, est-ce que cela invalide son siyam ou pas? La réponse est que cela n'invalide pas son siyam d'après l'ijma', d'après le consensus des savants. Tous les savants sont d'accord pour dire que cela n'invalide pas le siyam. Et ici, eh bien, on va se baser également sur la faïda qu'a cité Shawkani. Comme on l'a dit, Shawkani a dit que si l'écoulement du liquide était provoqué de façon volontaire, cela invalide le siyam. Et si c'est involontaire, dans ce cas-là, cela n'invalide pas le siyam. Or, ici, eh bien, cet écoulement a été involontaire. La personne dormait, et il y a eu un écoulement pendant qu'elle dormait, donc cela n'invalide pas le siyam. Donc c'est une très bonne faïda de l'imam Shawkani qui est très utile pour plusieurs questions. Donc voilà pour ce dars où on a vu ce qui concernait la permission d'embrasser et caresser sa femme pour la personne qui est en train de jeûner. Wa ilayhi wa na wa alhamdulillahi rabbil alamin.